D'Artagnan et son épée qui pique. C'est marrant comme il ressemble à Link. Sous le signe des mousquetaires, animé Saint-Dieu-chi. Tout a commencé à cause d'un éléphant. D'Artagnan voulait le ramener chez lui. Mais comme Darty c'est le contrat de confiance, il est parti pour Paris avec sa monture élégante. C'est pas éponace, c'est Rocinante. Et son épée qui est à son père, il va faire un voyage pépère à Paris. C'est un peu le bordel. Le cardinal, il aime pas la reine. Comme il ressemble à Link, je me demande ce qu'en penserait Dumas, animé Saint-Dieu-chi. Darty voulait être un des trois mousquetaires. C'est ridicule parce que ça ferait quatre. Alors en attendant, il monte son affaire, son épée brisée en quatre. En deux, Constance est une nana blonde. Dirait Zelda, c'est pas immonde. Je vous vois venir, gros comme ma bite. Ils sont faits pour être réunis à Paris. C'est un peu le bordel. Le cardinal, il aime pas la reine. Aramis est un sacré gars. Ne te fais pas avoir, c'est pas un trap. Et D'Artagnan et son épée qui pique. Marrant comme il ressemble à Link. Des Français qui parlent japonais, animé Saint-Dieu-chi. À Paris, c'est un peu le bordel. Le cardinal, il aime pas la reine. Pas fini voir cet animé, alors je peux rien dire, je vais pas spoiler. D'Artagnan et son épée qui pique, c'est marrant comme il ressemble à Link. Sous le signe des mousquetaires, animé Saint-Dieu-chi, animé Saint-Dieu-chi.